Si vous n'avez pas eu de problème avec le test, continuez maintenant avec la conversation entre le réceptionniste et la cliente, Madame Mathieu. À la réception de l'hôtel. Non, madame, le numéro à Carcassonne que vous demandez n'est pas attribué. Ce n'est pas le bon numéro. Comment le numéro n'est pas bon? Ce n'est pas possible. Madame, s'il vous plaît, voici votre numéro, le numéro que vous demandez. Écoutez. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. So, Madame Mathieu has a phone number in Carcassonne which she insists is right. Unfortunately, it's not right. As the receptionist says, le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Ce n'est pas le bon numéro. The number is no longer in service. Madame Mathieu doesn't believe him, so he dials the number again, this time making sure that she can hear the recorded voice saying exactly what he's been saying.